pour femmes. Regardez bien, ça, normalement, tout le monde connaît. Hein. Vous avez tous vu les pubs à la télé. C'est l'un des parfums les plus vendus en parfumerie. Ça s'appelle Black Opium de chez Yves Saint Laurent. C'est le parfum féminin. Regardez bien, Yves Saint Laurent pour femmes. Regardez, Black Opium. Tu fais la tête toute l'année comme ça, toi, ou que de temps en temps. Faut arrêter de faire la tête un peu. Tiens, regardez bien, madame, Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Par contre, madame, faites attention. Oh, ça attire les hommes. Hein. N'en mettez pas trop. Ah non, mais faites gaffe. Ma femme, elle a mis ça une fois. J'ai eu des problèmes avec ma femme. Attention. N'en mettez pas trop. Ah oui, mais on sait jamais, madame. Avec ça, vous n'êtes pas à l'abri d'un petit jeune, là. Tiens, regardez. Faites attention. Regardez bien. Écoutez-moi. Black Opium. Regardez ce qu'on va faire. Écoutez bien. Vous êtes les derniers. Après, j'arrête. Je suis fatigué. J'en peux plus. J'ai 40 degrés. Ce matin, là. L'autre vieille dingue là-bas, elle est venue m'envoyer la police et compagnie parce que j'attire beaucoup de monde. Donc elle va payer, regardez bien. Aujourd'hui, avec le concours des marques et des fabricants de la ville de Grasse, regardez bien, exceptionnellement aujourd'hui, pour la braderie, c'est le dernier jour, on va vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je vais en donner à 10 personnes. Écoutez bien, quand vous achetez un parfum, pardon madame, excusez-moi, quand vous achetez un parfum en parfumerie, quand vous le payez, qu'est-ce qu'on vous donne en cadeau d'habitude? Normalement, on vous donne ça gratuit, des échantillons. Nous, non, on fait de la publicité. Pourquoi? Pour dire stop aux copies qui viennent de Chine et d'Asie. On est où ici? On est à Saint-Etienne? Oui ou non? On est en France? Regardez, est-ce que vous achetez français sur les braderies, sur les marchés? Non, faites le tour de la braderie. Là. Ramenez-moi un produit français, il n'y en a aucun. Tout est chinois. Nous, on vous donne des parfums authentiques de la ville de Grasse. Grasse est fabriqué chez les meilleurs fabricants au monde. Ça, vous l'avez essayé au départ. Ressentez vos mains maintenant et vous allez voir que ça sent meilleur qu'au départ. Parce que ce qu'on vous donne là, c'est de l'eau de parfum. Pas de l'eau de toilette ou de l'eau de cologne. Et regardez bien, c'est fabriqué dans la ville de Grasse. Et je vais vous donner, écoutez-moi bien, aujourd'hui, un deuxième cadeau exceptionnel. Regardez, ce que vous avez essayé pour homme, madame. Si vous avez un mari, vous lui donnez ça. Ça, c'est la version pour homme de Azzaro, le parfum Wanted. Ça, regardez, vous ne le payez pas. On vous le vend pas, on vous le donne cadeau. C'est l'usine qui paie. Et regardez-moi bien, comme c'est la fin de la braderie et que vous avez tous eu la gentillesse et la politesse, surtout d'écouter toute la démonstration du début jusqu'à la fin. Eh bien, regardez ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour tous vous remercier d'avoir écouté l'animation, je ne vais pas vous donner un cadeau, je vais vous donner deux cadeaux. J'ai gardé les deux meilleurs parfums pour la fin. Un masculin et un féminin. Regardez bien. Ça, c'est la version pour homme de Paco Rabanne. Vous connaissez Invictus de Paco Rabanne? Alors, regardez, vous pouvez comparer ce parfum-là avec Invictus de Paco Rabanne pour homme. C'est un parfum exceptionnel. C'est fabriqué à Grasse, c'est de l'autre parfum. Vous pouvez scanner les boîtes avec vos téléphones portables pour vérifier la provenance, bien vérifier que les parfums viennent de Grasse et qu'ils ne viennent pas de Taïwan ou de Shanghai. Parce que maintenant, il y a tellement de faux parfums sur les marchés, on ne sait plus quoi acheter. Regardez, ça c'est pour hommes, regardez. Invictus de Paco Rabanne, le parfum masculin. Regardez bien, ils sont bons, hein. Je vais en donner à 10 personnes et je vais vous donner pour femmes aujourd'hui le parfum numéro 1 des ventes en France et en Europe. C'est le parfum féminin, madame, de Carolina Herrera. Vous connaissez Carolina, c'est le talon bleu là, en parfumerie. Il est exceptionnel. C'est un parfum extraordinaire. Par contre, ça attire les hommes, ça. Fais gaffe, toi. N'en mets pas trop. Ah oui, fais attention aussi. Faut pas en mettre beaucoup, il attire les hommes. Ils sont super bons. Hein. Ah non, mais je vous dis, vous pouvez faire toute la braderie, je suis là jusqu'à 19h30, 20h. Les parfums que je vous mets sur la main, ils tiennent. Ça, non, t'es énervé, toi. Oh là là, ça y est. En dirait, toi, je t'ai dit que c'était ma belle-mère. Hein. Tiens, regardez bien. Ça, regardez. C'est la version pour femme de Carolina Herrera, le parfum féminin. Alors madame, mademoiselle, monsieur, écoutez-moi bien. C'est promis, regardez, c'est fini, je me tais. J'arrête de parler, j'en peux plus, ça fait 3 jours que j'arrête pas de parler. J'ai arrêté au bout d'un moment. Regardez-moi, là sur la table, comme chaque année quand je viens, il y a 5 flacons de grands parfums. 3 féminins et 2 masculins, regardez-moi bien. Là, le prix total des parfums en parfumerie, tout le monde le sait ici. Vous n'êtes pas des imbéciles, moi non plus. Si on s'amuse à additionner le prix de chaque parfum dans les magasins, ou chez nous à Grasse, même quand vous venez visiter les usines, tout ça, il y en a pour beaucoup d'argent. Moi, quand je viens à la braderie chaque année, je vous le dis, je vous le répète tous les ans, je ne viens pas pour vendre des parfums. Vous voulez acheter des parfums, vous n'avez pas besoin de moi. Si vous attendez que je vienne à la braderie une fois par an, à Saint-Etienne, pour acheter français, les amis, vous allez attendre longtemps. Par contre, si vous voulez acheter français en France, ce que je vous conseille chaque année, c'est d'aller dans les magasins spécialisés. Il y en a partout ici. Vous allez chez Sephora, Marionneau, Nocibé, L'Occitane, c'est très bien, si vous avez les moyens, évidemment. Par contre, nous vous déconseillons très fortement d'acheter sur les braderies, les marchés et maintenant les réseaux sociaux. Parce qu'avec TikTok Shop, Instagram, Snapchat, les gens achètent des copies, des imitations qui viennent de bout du monde. Et le problème, c'est que ça détruit le travail des fabricants français que je représente. Et vous détruisez aussi votre boulot, le boulot des jeunes et des moins jeunes qui vivent et qui bossent en France. Alors regardez ce qu'on a décidé de faire cette année pour encourager les Français en France, chez eux, à consommer autrement et arrêter d'acheter chinois. Je vous dis bonne chance à tous parce que je ne peux pas donner à tout le monde. Je vous dis, j'en ai déjà donné à plus de 400 personnes. Regardez, là, il y a 5 flacons de grand parfum, 5. Hein. Aujourd'hui, exceptionnellement, regardez bien. Pour que les Français achètent français en France, il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont gratuits. On ne vend pas. On vous donne cadeau, comme l'an passé. Ce n'est pas des bêtises, attention. 2 masculins, 2 féminins. Mais regardez bien, si je donne ça gratuit, là, depuis le début de la matinée, et c'est ce que je suis en train de faire hein, depuis 3 jours, si je vous donne ça à la place de ça, c'est pas pour amuser la galerie. C'est pour encourager les gens en France à consommer français, en priorité. On n'est pas en Asie ici, on est en France. Pour arrêter d'acheter chinois. Ceux qui ne comprennent pas ça, les amis, je suis désolé. Je ne peux plus rien faire pour vous. Regardez bien. Là, il y a 4 parfums de grande marque. 2 masculins, 2 féminins. Aujourd'hui, on vous les donne gratuits pour dire stop aux copies qui viennent de Chine et d'Asie. Eh bien, regardez ce qu'on va faire. Pour les 10 derniers, aujourd'hui, si vous êtes capable d'acheter français, hein, comme l'an passé, vous n'en paierez qu'un seul. Le premier. Le premier, c'est la version pour fans de Yves Saint Laurent, Black Opium. Ça, vous l'avez essayé au départ. Ressentez vos mains, vous allez voir, ça part pas. Ça sent même meilleur maintenant qu'au départ, parce que ça agit sur la peau. Ça, le prix en parfumerie, je l'ai dit tout à l'heure. Ça coûte 125 euros dans les magasins. C'est trop cher pour certaines personnes. Aujourd'hui, on a réclamé un prix participatif pour que tout le monde puisse acheter français en France. Les riches comme les moins riches. Je vous dis bonne chance. Madame, attendez, sans bousculade, regardez-moi bien. Pour les 10 dernières personnes les plus rapides, qui sont capables d'acheter français, aujourd'hui on a réclamé 30 euros pour tous les parfums qui sont sur la table. Oui, 30 euros, mais regardez bien. Non, n'achète pas, j'ai une surprise. N'achetez pas. Non, j'ai une surprise et je ne vais pas donner à tout le monde, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi ça ne m'intéresse pas de mon aspect-là. Ça fait 3 jours que je suis là. Il y en a le 3 quarts sur la braderie qui ne réalise même pas ce qu'on donne. Si vous ne réalisez pas ce qu'on vous donne là, les amis, là vous avez 5 parfums de la ville de Grasse, fabriqués chez les meilleurs fabricants au monde. Oui, bien sûr que ça sent bon. 5 parfums pour 30 euros, ça fait combien? Combien ça fait 5 parfums 30 euros? Bravo. 6 euros le flacon, oui ou non? C'est moins cher que les copies qui viennent de Chine, on vend des vrais, fabriqués chez nous en France. Les amis, je suis désolé, mais si vous n'êtes pas capable d'acheter français, quand on fait une opération comme ça, c'est soit que vous ne comprenez rien, ou alors pire que ça, on ne peut plus rien faire pour vous. Ah oui, en France, il faut être capable d'acheter français. Je suis désolé, on n'est pas en Asie, il faut arrêter d'acheter chinois. Si vous n'achetez pas au prix que je vends, c'est que vous ne comprenez rien. À l'acheter chinois comme d'habitude, je ne peux plus rien faire pour vous. Ah oui, la chaleur. Écoutez bien, les 10 premiers là, aujourd'hui, qui vont me présenter au bout des doigts, la somme de 30 euros, c'est pour voir ben, si vous êtes capable d'acheter français. C'est pour les 10 premiers qui me présentent 30 euros et vous payez comme vous voulez. Carte bleue, cash, bague en or, chaîne en or, oui. On prend les dents en or aussi, hein, madame, hein, si vous avez. Ça ne me dérange pas du tout, on prend tout. Il y a les 10 premiers qui me présentent 30 euros. Ah oui, avant de faire ce métier, j'étais dentiste. Je peux vous les enlever sans vous faire mal, vous inquiétez pas. Les 10 premiers qui me présentent 30 euros, non, ça c'est mieux. Attendez, mon ami. Non, mais bientôt je vais aller en Moldavie, attends. Regardez bien. Les 10 premiers qui me présentent 30 euros, attendez, je vous donne un cadeau en plus. C'est la fin de la braderie. Regardez-moi bien. Ça, c'est pour femme. C'est la petite robe noire de chez Guerlain. Ça, vous le payez pas, je vous le donne avec, c'est gratuit. Non, regardez, ils se barrent en courant. Tiens, j'espère qu'ils vont courir jusqu'en Chine et qu'on ne les reverra plus. Ah oui, il y en a dès que c'est français, ils ont du mal. Hein. Ils se barrent en courant à une vitesse. Ça, regardez bien. Allez, levez-moi la main, les 10 premiers, levez la main. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9. 30 euros le lot. C'est pas volé et c'est pas tombé d'un camion. J'arrive, madame, vous inquiétez pas. Ne m'engueulez pas, je perds des sous. Hommes et femmes. Il y a 2 hommes, 4 femmes, c'est marqué sur la boîte. T'as une tête femme ou une tête homme. Tu peux pas te tromper, regardez bien. On a donné Invictus, Azzaro, Giorgio Armani et Scandale Jean-Paul Gaultier. Oui, mais mon ami, plus c'est long, plus c'est bon. Toujours c'est comme ça. Tiens. Carte bleue, va voir mon collègue là-bas, il va t'en caisser en carte. Passez une bonne journée, merci. Et à l'année prochaine, j'arrive également, je vous les donne. J'ai donné ça Invictus, Azzaro, Giorgio Armani. J'ai donné en cadeau Black Opium. Carte bleue, tiens, tu vois avec mon collègue là-bas. Il est là, le monsieur avec la casquette. Celui qui est un peu mal peigné là. Il a mis la casquette aujourd'hui, il est mal peigné. Alors, regardez bien. J'ai donné ça, Invictus, Azzaro, Giorgio Armani, et je vous donne un cadeau en plus, et regardez bien. Ça, c'est la version de Black Opium. Carte bleue, tu veux? Tiens, fais le tour. Maurice, Moreno, tiens, t'as la dame aussi en carte bleue. Tiens, regardez, je vous les donne. Je vais en donner à tout le monde, tiens, regardez. Ça, c'est gratuit, Invictus, Azzaro, Giorgio Armani, Black Opium, tiens, regardez, carte bleue, madame. Faites le tour, allez voir mon collègue là-bas, il va vous encaisser en carte. Je vous sers madame, madame également, madame aussi, madame derrière. 30 euros le lot, hein, c'est pas une blague. Ou la caméra cachée, les amis. C'est le vrai prix. C'est une animation. Tiens, regardez. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À l'année prochaine. Et regardez bien, si vous voulez en racheter, madame, vous pouvez scanner les boîtes pour vous inscrire sur le site internet de la ville de Grasse. Tiens, regardez bien, j'ai donné ça à Giorgio Armani, Black Opium, et je vais vous donner autre chose. Carte bleue, tiens, espèce, pardon. Tiens, ça c'est à toi. Après, on va vous donner des échantillons pour les gens qui n'étaient pas là aujourd'hui. Parce qu'après, j'arrête, c'est la fin de la braderie. Je fais ça depuis 3 jours, j'en peux plus. Regardez, je suis fatigué. Je vais donner Black Opium, Giorgio Armani, je sors madame. Je sors madame également. Tiens, regardez bien, on va arrêter. Hein. C'est bientôt la fin de la braderie. Tiens, regardez. T'as essayé ou pas? Ils sont très bons, regarde. Ça, c'est femme, hein, les gars. Oh, tu mets ça, tu vas attirer les hommes, attention toi. Non, mais rigole pas. Tiens, tu vas finir au gouvernement avec ça. Premier ministre ou président de la République, hein. Fais gaffe, hein. Tiens, ça c'est Adaro pour le parfum Wanted. Et madame, regardez, pour femme, on a donné ça, regarde. Si l'Armani. Les filles, les filles, elles m'écoutent jamais, elles me font la tête, je te jure qu'elles me font la tête. Ah, écoute-moi, si tu veux pas d'homme, je te fais que femme. Mais tu scannes les boîtes, tu commandes sur le site. Tu scannes la boîte. Quand tu es inscrit sur le site, tu nous envoies un message par mail, sur Instagram ou TikTok. Et on t'enverra la liste de tous les parfums qu'on a sur le site. Et tu commandes ce que tu veux. Vas-y, vas-y, scanne. Vas-y. Tiens, regardez. Je te donne ça, regardez, madame. Ça, c'est Invictus pour hommes. C'est le parfum Paco Rabanne. Par contre, il attire les femmes, hein, c'est pas grave. T'en mets pas trop, attention, sinon tu auras des problèmes. Hein. Invictus. Et j'ai donné ça, regardez, pour femmes. Ça, c'est Caroline Herrera. Non, ne mets pas ça là, tu vas attirer les hommes, attention. Par la main, toi. Ça, c'est Caroline Herrera. Regardez. Regardez. Ils sont très bons. Et le lot complet, c'est 30 euros. Chaque année, regardez, c'est les 5 parfums 30 euros. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la braderie, j'en ai donné 6. Parce qu'après, je reviens pas avant le mois de juin de l'année prochaine, je peux pas venir. Tout le temps, j'habite à Nice, madame. C'est pas la porte à côté. Alors, pour femmes, regardez, vous avez ça. La petite robe noire, Carolina Herrera. Deux hommes, Invictus à Zaro. J'ai donné en cadeau Giorgio Armani pour femmes. Et je vous donne un super cadeau en plus, regardez. C'est Black Opium, Yves Saint Laurent. Tout le lot, 30 euros. Après, attention, si vous êtes riche, normalement, vous devez me donner plus. Hein. Si vous êtes riche, vous devez me donner plus, normalement. C'est pas assez cher. Hein. Normalement, je pars en vacances. Hein. Regardez. 30 euros le lot. Après, j'arrête. Je suis fatigué. Tiens, Maurice, il est où, Moreno? Je vais me prendre une bouteille d'eau fraîche. Une bouteille d'eau fraîche. Oh, une petite. En 2 minutes, elle va être chaude. Ça va, madame? Oh, je suis fatigué, madame. C'est très chaud. Très chaud. Ça va, madame? Pour homme, je l'ai. Je l'ai vendu hier, genre, il est là-bas. C'est le bottle. Hugo Boss bottle. Boris, fais essayer à la dame Hugo Boss bottle. Pas pour femme, pour homme. Fais lui essayer Hugo Boss. C'est le bottle, c'est pas le promis, c'est pas la gourde. C'est pas Hugo. C'est Boss bottle. Tu sais, c'est une bouteille grise. Normalement, il faut s'inscrire sur le site.